La peur louée et demandée, c'est une peur qui t'empêchera de transgresser les limites d'Allah et qui fera obstacle entre toi et les péchés. Sinon, ça peut arriver à un désespoir. Et ça, c'est blâmé. Abu Uthman, rahimahullah, parmi salaf, a dit, la vraie peur, c'est-à-dire la peur louable, c'est le délaissement des péchés dans l'apparence et dans l'intérieur. C'est ça la peur qui est demandée. C'est de délaisser les péchés. Dans l'apparence et dans ton intérieur. Les péchés des membres, les péchés du cœur. Et Ibn al-Qayyim a rapporté de son cheikh, Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde, il a dit, Al-khawfu al-mahmoudu ma hajazaka an maharimillah. La peur louée, c'est celle qui te retient de ce que Allah a interdit, qui fait obstacle entre toi et la transgression des limites d'Allah. Et ensuite, il a donné une belle parabole, encore une fois. Il a dit, le cœur, dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, est comme l'exemple d'un oiseau, dont la tête de ce oiseau est l'amour d'Allah. Et la crainte et l'espoir, ce sont ses deux ailes. Quand les deux ailes et la tête sont sains, l'oiseau vole bien. Et quand la tête est coupée, l'oiseau meurt. Et quand il y a un déséquilibre ou une perte d'une aile, l'oiseau devient une proie facile pour les prédateurs, pour les chasseurs, pour les rapaces. Il devient exposé au danger. Il devient une proie pour tout prédateur. Mais les salafs, certains parmi eux, ont préféré pour le serviteur de faire dominer la peur dans l'état de la bonne santé et de la jeunesse, que ta peur soit supérieure à ton espoir, sans que cette peur te fasse tomber dans le désespoir. Comprenez bien cela. Car le jeune, il a des envies, il a des passions, il a une force. Et s'il n'y a pas plus de peur que d'espoir de la miséricorde d'Allah, plus de peur de son châtiment, il risque de fléchir et de tomber dans le péché. C'est pour ça qu'ils ont préféré pour le jeune et pour celui qui est en bonne santé d'avoir plus de peur que d'espoir. Et ils ont préféré pour celui qui arrive à un âge avancé, celui qui vieillit, qui est dans un état de maladie, ou ce genre de situation, le malade, le faible, la personne âgée, ils ont préféré pour lui d'avoir plus d'espoir que de peur dans cet état-là. Et parmi ceux qui voyaient cela, Abu Sulayman ad-Darani, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit, il convient d'avoir plus de peur dans le cœur que d'espoir. Car quand l'espoir domine le cœur, en général, il devient corrompu. Et il tombe dans les péchés. Et d'autres ont dit, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, la peur et l'espoir. Et que ce qui domine, c'est l'amour d'Allah. Ils ont dit l'amour d'Allah, c'est comme une monture. C'est comme une monture. Et l'espoir, il t'appelle, il t'invite vers Allah. Et la crainte et la peur, elle te conduit vers Allah. Et elle te pousse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui permet l'arrivée saine et sauve avec sa grâce et son bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.